Vendredi 21 mars 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée et avec beaucoup d'actualités pour la ville de Québec cette semaine puisque mercredi dernier, c'était jour de lancement de la programmation du 27e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Un événement quand même majeur évidemment dans la scène BD en province et un événement qui, on le découvrira au fil d'une entrevue avec le directeur général de l'événement Thomas-Louis Côté tout à l'heure. Bat plusieurs records au fil de son histoire avec un nombre d'auteurs quand même très important, au-dessus de 100 auteurs, beaucoup de spectacles, on parle de 5 dans ce volet, on parle près d'une quinzaine d'expositions. Alors on portera une vive attention cette semaine sur la programmation de cette édition et évidemment au fil de l'émission aussi on se permettra de revenir sur un des pans de cette programmation dont on vous avait glissé un mot la semaine dernière dans le volet spectacle, donc intégration d'une collaboration entre le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et la troupe Burlestaculaire, donc pour la proposition d'un spectacle avec dessin en direct et effeuillage burlesque. Alors on profitera de l'occasion cette semaine pour apprendre un peu plus sur ce qu'est Burlestaculaire et sur ce que proposera la troupe et le festival dans le contexte de ce spectacle qui doit être présenté le jeudi 10 avril. Alors c'est vraiment donc deux regards sur le festival qu'on porte cette semaine. Également en fin d'émission, on passera également en revue donc les nominés 2014 pour les prix Bélis Causa qui eux aussi ont été dévoilés cette semaine. Donc quand je disais une grosse semaine dans l'actualité à Québec côté BD, c'est vrai. Dans l'actualité internationale, peut-être un peu plus tranquille, alors on parle notamment de la série Cédric de Cauvin et Lodec qui va être adaptée au cinéma par Gabriel Julien Laferrière. Alors après avoir fait carrière sur petit écran à partir de 2001 du côté européen, donc le jeune héros créé en 86 pour Spirou va voir donc ses aventures adaptées au cinéma. Au casting, on retrouvera notamment Christian Clavier dans le rôle de Pépé, Audrey Lamy et Frédéric Bell également. On parle d'un tournage qui commencera fin 2014. On verra si ça fera le saut outre-Atlantique. Sinon, autre actualité sur laquelle je suis tombé, eh ben, c'est des réflexions par rapport à un ouvrage qui s'appelle « L'art de la bande dessinée ». Bel ouvrage d'ailleurs de Pascal Horry, Laurent Martin et Jean-Pierre Mercier. Donc certains représentants d'établissements scolaires qui questionnent l'intégration de cet ouvrage dans le cursus ou dans les bibliothèques des institutions. Pourquoi? Mais parce que sur cet ouvrage de 500 pages, eh bien, il y a quelques planches qui sont jugées donc ne pas être adéquates pour des jeunes lecteurs. Alors on dit ben il faudrait retirer cet ouvrage-là, un ouvrage qui vise essentiellement à présenter le côté artistique, la richesse de l'expression visuelle liée à la bande dessinée. Alors évidemment, d'un côté, des gens disent, regardez, c'est de la censure. D'autres disent, ben, effectivement, oui, il y a des planches à caractère peut-être un peu plus érotique. Donc, c'est peut-être pas sa place dans ce type d'institution-là. Ça amène les lecteurs peut-être à voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Il y en a qui disent, ben, voyons, c'est la BD. Ça rentre dans la perspective historique que le livre veut proposer, etc., etc. On voyait un peu la nature de la bête. Alors, un petit débat qui fait rage. Et certains qui disent, ben, regardez, peut-être que la BD progresse, mais la morale régresse. Alors, vous voyez un peu. Donc la nature, je le répète, de ce débat qui fait rage, on fait pas de manière excessive évidemment, mais qui est présent filigrane dans l'actualité européenne. Alors voilà pour ces deux clins d'œil. Sinon, en musique, cette semaine, on écoutera quelques extraits de l'album de Masquerade de la formation Doom Cloud. Et tiens, on en écoute un premier, la pièce titre de l'album. We'll be right back. Alors, ben, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Et évidemment, ben, la période du mois de mars, c'est celle où on découvre la programmation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Elle a été annoncée doublement mercredi dernier, donc en conférence de presse, puis lors d'un événement spécial qui était présenté au Studio P. Et on a décidé de prendre un certain temps ici à l'émission La Vie en BD pour justement explorer cette programmation en compagnie du directeur général du festival, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Et j'ai l'impression, Thomas-Louis, que c'est un gros festival cette année. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'événements. Si on regarde juste au niveau des auteurs, je crois que vous êtes déjà au-delà du 100 auteurs là, de présent. Oui, ben, si on atteint cette année un nouveau palier en termes de nombre d'auteurs. Je veux dire, en date d'aujourd'hui, je suis à 113 auteurs, donc incluant une centaine d'auteurs québécois, une quinzaine d'auteurs étrangers. Donc vraiment, pour le festival, c'est beaucoup. C'est un peu l'année des records. Ben exactement, en termes d'activité, en termes d'exposition, en termes de présentation. L'ensemble de la programmation cette année est la plus importante que le festival a présentée depuis ses 27 dernières années. Donc, c'est tout dire. Est-ce qu'on peut dire, en fait, qu'au fil des éditions, c'est comme un crescendo qui s'est fait naturellement pour en arriver à cet éclatement-là, la 27e, où on dépasse un peu les frontières qu'on avait établies? Mais okay. On dépassera encore à la 28 encore plus. Non, mais c'est dans le fond un peu planifié dans l'élaboration du festival d'année en année de croître et d'essayer de le faire sainement. Donc depuis les 7-8 dernières années, on rajoute des choses à chaque année, on explore au niveau des spectacles, au niveau des expositions, on s'est donné des méthodes pour présenter des choses intéressantes, mais aussi aller chercher des expositions à l'extérieur. Donc cette année, on a des expositions qui viennent deux expositions qui viennent d'Europe. Donc c'est ça, c'est vraiment de trouver des façons pour croître et que le festival se développe. Au niveau des auteurs, c'est certain que la bande dessinée au Québec est encore en explosion, donc on bénéficie de ça. Il y a des nouveaux auteurs, la relève est très présente à Québec aussi, donc c'est des gens qu'on veut impliquer dans le festival. Et qui répondent agréablement à nos demandes et à nos propositions d'activités. Et tu parlais tout à l'heure, en fait, d'une quinzaine d'auteurs internationaux. Je regardais un peu les feuilles dans les communiqués. On parle quand même de noms, dans certains cas, disons, très, très, très établis, voire même légendaires. On pense à des Jean-Claude Fournier, on pense à des Rosinski, des noms aussi très appréciés, comme des Boulet, des Frédéric Peters. Donc, Ouais. Ben, on essaie par la sélection d'auteurs qu'on va chercher à l'international, par nos propres moyens, des fois par des partenariats également, à avoir une variété. Puis cette année, je pense qu'on a vraiment tiré assez large pour aller rejoindre autant les amateurs de bande dessinée plus pointus, t'sais, des choses comme Guillaume Long chez Gallimard. C'est pas nécessairement une bande dessinée qui est extrêmement connue, mais qui est fascinante. Frédéric Peters est un auteur qui a quand même produit un spectre assez large de bandes dessinées aussi, avec Pilule Bleue, Ahama et autres. C'est des auteurs que je trouve très pertinents d'avoir, autant que des auteurs comme Adam, qui fait la série Game Over, qui est peut-être la plus populaire au Québec avec les Nombris, qui seront présents également, mais ou Rosinski. Je veux dire, Rosinski, c'est quand même une pointure dans la bande dessinée européenne, quelqu'un que tous les festivals veulent avoir, puis on est très chanceux de l'avoir avec nous cette année. Et vous allez prendre le temps, d'ailleurs, d'explorer l'œuvre de Rosinski, puisqu'il sera l'invité de Michel Giguère à sa conférence du mercredi soir. Exactement. Une des activités, dans le fond, qui est le point de départ du festival, au-delà des activités qu'on a au Salon du Livre dans la journée du mercredi, c'est vraiment la rencontre du mercredi soir à la bibliothèque Gabriel-Leroy avec Michel Giguère. Donc, une rencontre devrait être d'une heure et demie, deux heures avec un auteur invité. Cette année, Michel a choisi Rosinski comme auteur à rencontrer. Donc, ça sera l'occasion pour le public de venir découvrir vraiment son œuvre dans le détail, de voir son travail, comment il a débuté dans la bande dessinée, mais aussi comment il s'est développé puis qu'il a développé la carrière qu'il a aujourd'hui. Oui, puis c'est intéressant, en fait, parce que faut dire, si on se présente donc dans des événements comme ça, on a l'occasion d'entendre, de réfléchir, de voir un peu ce qui a amené les auteurs à développer leur œuvre, mm-hmm. leur travail. On le fait aussi du côté du Salon du Livre. Vous avez toujours vos espaces, donc où d'un côté il y a des rencontres d'auteurs, ou de l'autre on voit les auteurs travailler. Donc c'est de rendre les auteurs accessibles d'une certaine façon. Exactement. Ben le mot d'ordre du festival depuis quelques années, c'est la rencontre. Donc on essaie de créer la rencontre avec le public de différentes façons. que ce soit à travers les expositions, donc présenter l'œuvre directement au public, les rencontres, que ce soit les dédicaces, qui est peut-être la méthode la plus classique dans les salons du livre pour rencontrer les auteurs, mais les rencontres d'auteurs qu'on fait aussi sur la scène du Café Rencontre BD, artistes à l'œuvre où on invite les auteurs à venir dessiner devant le public. On essaie de trouver différentes façons de permettre aux gens de voir les auteurs. Les auteurs qui connaissent, par exemple, des gens comme Rosinski est une personnalité qui est quand même assez facile à vendre auprès du public, vu que ces séries sont très connues. Si on regarde des gens comme Jean-Claude Fournier qui a succédé à Franquin pour Spirou, je veux dire, moi-même, je lisais ça jeune et j'ai tout content de le recevoir à Québec parce que c'est vraiment un personnage qui m'a bercé dans mon enfance par les bandes dessinées qu'il a fait. Mais donc ça, c'est des gens qui sont quand même faciles à vendre. Moi, on aime beaucoup par les activités comme artiste à l'œuvre et tout, aussi faire découvrir des gens. Donc, les gens qui vont venir pour Game Over, les jeunes, vont aussi découvrir Étienne Willem, qui est un auteur belge, ou Makina et Frec, des auteurs québécois, et différents auteurs qui seront présents. L'idée, c'est vraiment de trouver l'intérêt des gens pour la bande dessinée, puis de le développer au travers de d'autres propositions. D'amener des gens à la BD, et si on est déjà intéressé, ben d'amener des gens vers d'autres auteurs. BD, en fait, c'est exactement. La découverte, d'une certaine exact, façon. Exact. Et tu parles de rencontres aussi, évidemment, entre les auteurs et le public, mais également entre les disciplines, parce que on mentionnait justement dans l'explosion qu'il y a cette année au festival, mais c'est aussi le volet spectacle qui explose avec beaucoup de rencontres et où c'est vraiment en fait l'interdisciplinarité qui est au rendez-vous, et même j'ai l'impression qu'il est au cœur de la démarche que vous proposez. Oui, mais on a développé dans les dernières années plusieurs métissages entre la bande dessinée et d'autres disciplines, avec la venue d'un organisme à Québec comme Parenthèse 9 qui nous pousse encore à aller plus loin là-dedans. Donc cette année, on a mis en place 5 spectacles d'envergure. Du jeudi au dimanche, il y a 5 spectacles qui vont être présentés au Petit Champlain, un spectacle burlesque et BD. Peut-être prenons le temps de les décrire, de les présenter un peu. Justement, burlesque et BD, on va discuter tout à l'heure avec Christina Mossini, la directrice artistique de la troupe, mais l'idée, c'est de faire une exploration sur l'érotisme. Dans le fond, on se demandait un peu comment on pouvait mettre en scène soit la BD érotique ou trouver une façon de créer un spectacle adulte autour de la bande dessinée. Et les gens de Burlestaculaire nous sont venus à l'esprit comme étant les gens à contacter pour mettre ça en place. Donc, Christina racontera tantôt, mais c'est vraiment de trouver une façon de rendre de façon humoristique et érotique ou coquine, si on veut, une nouvelle proposition. C'est un test qu'on fait, dans le fond, avec les gens de Burlestaculaire. On va voir la réponse des gens. C'est certain que ça fait jaser un peu comme spectacle, mais c'est une exploration qu'on voulait faire cette année, donc on l'a fait. On se permet ce genre de choses-là aussi, parce que si on le fait pas, d'autres le feront peut-être, mais ça vaut la peine de l'essayer, vu qu'on a l'appui de gens comme Burlestaculaire et d'autres qui sont en passant une troupe qui est très respecté à Québec. Là. Et donc ça, la rencontre entre Burlesque et BD, ça c'est le jeudi 10 avril. Donc côté BD, c'est Valmo, c'est Jimmy Beaulieu, c'est Julien Paris-Sorel, c'est Boulet. Oui. Et ensuite, on se transporte le vendredi, donc où on garde le partenariat que vous avez avec le Musée de la Civilisation. Exactement. Et là, c'est un spectacle où donc on met en scène le swing, la musique swing, la danse swing et la bande dessinée descend en direct. Exactement. Donc le Musée de la Civilisation nous accueille depuis quand même quelques années maintenant, 4 ou 5 ans maintenant où on fait des activités. Cette année, on développe sur le vendredi et le samedi une programmation complète. Le vendredi soir, c'est un spectacle qui s'appelle La fièvre des planches, donc un spectacle qui allie danse swing, musique swing, comme tu le disais, et dessin en direct. Donc, l'idée, c'est de travailler sur un peu la même proposition de couple danseur, de couple dessinateur, et qu'il y ait une chimie qui se crée ce soir. Encore là, on parle d'exploration, des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on tente. J'ai l'impression d'avoir la motivation des gens qui sont derrière le projet, que ça va être extrêmement réussi, mais ça va être une façon pour les gens de voir une nouvelle proposition, la danse et la bande dessinée. En fait, c'est un peu comme le show burlesque, d'une certaine façon. C'est l'équipe du festival, donc vous, l'équipe du festival, vous permettez des premières, vous permettez des laboratoires, d'une certaine façon. Donc, c'est de profiter exactement de ces possibilités de diffusion-là pour voir où, jusqu'où on peut aller. Mais de trouver des nouvelles, un peu comme on a fait avec l'impro BD, où on est parti d'un concept qui était embryonnaire, des choses qui avaient été vues à différents endroits. On l'a conceptualisé pour en faire quelque chose qui était complet. Et de là, on l'a développé. Donc, ce qui nous permet de présenter avec Lyon BD le samedi après-midi, des planches sur l'Atlantique, un spectacle qu'on avait présenté l'an dernier, qu'on a redéveloppé, qu'on a expérimenté encore cette année avec un spectacle qu'on avait fait au Studio P plus tôt dans l'année. Mais c'est vraiment de voir comment on peut développer ça. Je pense pas qu'on ait encore les formules idéales, mais on a de très bonnes formules, comme la liquidité peut le prouver par mois après mois. En fait, j'ai l'impression que c'est venu de la liquidité, du fait qu'il y avait le public qui était là. Je pense que dans les programmations de spectacle des dernières années, c'était un des moments forts en termes de public. Exact. Mais c'est comme la tradition qu'on a partie. On l'a refait cette année, le samedi soir, mini-tournoi d'impro BD. On avait 300 personnes l'an dernier. Cette année, on aura peut-être plus de monde. Qui sait? Mais c'est vraiment, je pense, un des points, un moment fort du festival, puis un des belle rencontre qu'on a, ce mini-tournoi-là. Il y aura 4 équipes cette année, des gens de Québec, de Montréal, mais aussi d'Europe qui vont participer, des comédiens de Montréal qui font la Eleni, donc Sophie Cadieux, qui anime l'émission BD Québec à RTV. RTV qui est un partenaire d'ailleurs cette année avec qui on développe des choses. Mais donc de réussir à réunir ces gens-là, et ce que la LiquiBD a pu faire aussi, c'est motiver les gens de Québec ainsi que certaines personnes à Montréal à embarquer dans cette aventure-là de d'alliage de bande dessinée et d'autres formes d'art, puis d'exploration, parce que veut pas la bande dessinée est un métier, ceux qui le pratiquent, est un métier très solitaire où les gens travaillent pour eux devant leur table, et la seule diffusion de leur travail, c'est à travers leurs livres, souvent. Mm-hmm. Nous, on leur demande quand même un exercice qui est pas naturel pour eux, c'est-à-dire de faire du dessin en direct devant un public, encore plus avec des comédiens qui jouent. Donc, nous, ça nous a permis de révéler des talents à ce niveau-là, de gens qui avaient une facilité de dessiner devant un public, et de travailler avec eux maintenant, aller pousser ça plus loin, puis aller essayer des nouvelles choses. Des gens comme Francis Desharnais, qui est un des points centrales du spectacle des planches, pas des planches sur l'Atlantique, mais la fièvre des planches, amène ce dynamisme-là aussi d'essayer. Ils veulent, c'est des gens qui veulent essayer des choses. Fait que le festival est prêt à accueillir ça et leur donner les outils, les moyens de le faire aussi. Et Thomas-Louis Côté, directeur général, je le rappelle, du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On parlait avec l'Impro BD, donc d'un partenariat avec Lyon BD, qui eux aussi ont cette volonté, du côté exactement. Français, de développer des spectacles, d'explorer un peu comme le Festival de la bande dessinée francophone de Québec en est le porte-étendard au Québec. Et parallèlement, en Europe, il y a d'autres gens qui font aussi de ce type d'exploration-là, outre Lyon, avec qui vous vous associez. Oui. Quai des Bulles, exactement. Donc, Quai des Bulles, qui est le deuxième plus gros festival en importance en France, festival qui est à Saint-Malo, qui est une ville sœur de Québec. Donc, c'est un événement avec lequel on a volonté de collaborer depuis quelques années. On se rencontre, on en discute et tout. Cette année, on passe à l'action. Donc, on présente le dimanche le Comptabule, qui est un spectacle qui a été créé par Jean-Claude Fournier et qui est peut-être un des moments forts du festival Quai des Bulles, année après année. Donc, nous, on l'amène à Québec et on le fait dans une version québécoise, donc avec Philippe Girard, Yolaine et Todd Picard. Yolaine qui est conteuse, Todd Picard qui est musicien. Et Philippe qui est dessinateur pour ce projet-là, sous la direction de Jean-Claude Fournier. Donc, on essaie de voir comment on peut le présenter ici. Et c'est une collaboration qui va amener Québec à aller à Quai des Bulles en octobre prochain pour présenter d'autres choses. Et ça, en fait, pour se situer, dans l'horaire, on est rendu le dimanche. Ça, c'est 14h, et c'est au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Exactement. Donc, un autre partenariat. Exactement. Donc, l'an dernier, on a débuté des activités au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Cette année, on occupe le musée le dimanche. Donc, avec trois activités, le Comptabule, qui est à 2h dans l'auditorium, on a en première partie du Comptabule une rencontre avec Claude Cloutier, qui réédite chez La Pastèque son livre Gilles la jungle, donc une présentation de ses films qu'il a fait pour l'ONF et une discussion autour de la bande dessinée et du cinéma d'animation, donc avec lui. Mais sinon, une des choses qu'on présente toute la journée, à deux reprises durant la journée au Musée national, c'est à l'occasion des 15 ans de La Pastèque. Donc on a invité 16 dessinateurs, des gens de La Pastèque puis des gens invités aussi au festival, à dessiner dans les 4 nouvelles salles du musée, c'est-à-dire les salles de Pellan, Riopelle, Le Duc et Le Mieux. Donc, de travailler à même les salles pour faire un dessin en direct devant le public, donc le matin à 10h et en après-midi à 1h. Donc ça va être l'occasion pour le public d'aller voir encore là les auteurs dessiner en direct, mais dans un contexte qui est quand même inhabituel, c'est-à-dire vraiment dans une salle d'exposition. Puis suite à cet exercice-là, tous les illustrations qui vont avoir été produites vont être exposées au musée dans l'entrée du pavillon. Il faut dire que c'est assez intéressant, fait comme mise en relation, parce que dans le fond, ces quatre figures-là, c'est des incontournables de l'histoire de l'art québécois, c'est des œuvres qu'il faut avoir vues. En plus, en fait, c'est quand même des belles salles d'exposition aussi qui viennent d'être lancées. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en dialogue, dans le fond, la BD, de voir un peu de quelle manière les BDistes vont s'approprier ces œuvres-là. Oui, ben, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que soit qu'ils créent une illustration en s'inspirant des œuvres des artistes de la salle ou en réaction aux œuvres. Donc, ça pourrait être, par exemple, Michel Arbagliati qui fait interagir Paul avec une œuvre ou carrément quelque chose d'autre. Mais l'idée, c'est de voir comment les auteurs vont s'inspirer ou vont trouver une tournure dans leur dessin pour faire un lien avec les expositions sur place. Mais on veut vraiment que les auteurs tentent pas de reproduire un style, mais de s'approprier l'œuvre ou de s'inspirer à travers leur production et leur personnage à eux, là. Et on a l'impression, en fait, d'à travers des initiatives comme ça, et on en avait parlé quand on avait reçu Fred Gauthier de la Pastèque, justement, pour l'expérience qu'ils ont fait au musée des Beaux-Arts de Montréal, que ce type de partenariat-là, que le fait de mettre des BDistes en dialogue avec des artistes reconnus dans l'histoire de l'art, que ça apporte une légitimité additionnelle peut-être au 9e art. Est-ce que c'est une perspective qu'on a du côté du festival? Ben, dans le fond, la collaboration qu'on élabore avec le Musée national des Beaux-Arts est dans une perspective à plus long terme que uniquement travailler cette année avec eux sur ce projet-là. Ce qu'on essaie d'initier là, c'est quelque chose qu'on va sûrement reproduire à d'autres façons, de d'autres manières, mais qui va amener à d'autres projets aussi. T'sais, la bande dessinée dans les musées, je crois que c'est très important, puis c'est de trouver la façon de le faire. L'initiative de la Pastèque à Montréal avec le Musée national le Musée des Beaux-Arts de Montréal a quand même porté énormément fruit au niveau de la bande dessinée. On en a parlé comme jamais quand il y a eu le lancement. Maintenant, à Québec, on en fait une version autre, une autre façon. Donc, la création se fera en direct et ce sera pas une création qui aurait été faite en amont, mais et c'est de moins grande envergure, je l'avoue, là, que ce qui a été fait à Montréal, ça je m'en cache pas, mais c'est vraiment une belle rencontre encore là entre les artistes et les œuvres de d'autres artistes et le public et les artistes qui vont travailler sur place. Alors ça, tu disais, en fait, donc c'est en deux temps. C'est essentiellement, il va avoir d'animation donc toute la journée au Musée national des Beaux-Arts. Exactement. Mais au niveau du dessin dans les salles, il va y avoir le matin à 10h, deux auteurs dans chaque salle, et en après-midi à 13h, deux auteurs également dans chaque salle. Je fais la parenthèse pour dire, évidemment, on lance dans des entrevues comme ça de programmation beaucoup de dates, beaucoup de propositions d'activités, beaucoup de noms. L'intégrale est au fbdfq.com. Exactement. Donc le site du festival, où mettez Festival de la bande dessinée francophone de Québec sur Google, vous allez tomber aussi sur le site très rapidement. Et c'est un peu l'espace central pour savoir justement qu'est-ce qui se passe. Et on parlait, bon, du Musée des Beaux-Arts, on parlait du volet spectacle, donc où il y a beaucoup d'événements. Mm-hmm. On parlait des auteurs, donc tu nous disais, Thomas-Louis Côté, déjà 113 auteurs de confirmés. Et évidemment, s'il y a beaucoup plus de monde, s'il y a plus d'événements, plus de spectacles, j'imagine que ça veut dire aussi que de votre côté, vous avez plus d'expositions aussi en dehors de l'activité du Musée des Beaux-Arts. Oui, mais au niveau des expositions cette année, je suis à 14 expositions dans différents lieux. Des expositions différentes envergures encore là. On a des choses qui sont plus modestes, mais on a de belles expositions, notamment dans la bibliothèque, le réseau de la Bibliothèque de Québec. On a 4 expositions, dont une avec Quai des Bulles, qui est à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, sur la création de la bande dessinée, comment créer une bande dessinée. Une exposition qui avait été développée par l'auteur Joub, qui a fait une série Géronimo avec Étienne Davodo. Donc, lui, à la demande d'un organisme de Guyane, a créé cette exposition-là en collaboration avec Quai des Bulles. Et nous, donc, on l'accueille maintenant à Québec pour la durée du festival. Une exposition vraiment assez variée qui va présenter les dessous de la création d'une bande dessinée. Et c'est une exposition qui sera complétée par d'autres pièces originales de mise en couleur, des planches originales et tout, qu'on va ajouter à ça. Sinon, ben on a Love Apocalypse, le nouvel album de Philippe Girard, en exposition à la Bibliothèque des Jésuites. On a aussi Boomerie, une petite exposition sympathique à la Bibliothèque du Domaine Maizeray. À l'image des BD qui sont délicieuses, évidemment. Exactement. Et on a Iris Esvian, donc c'est les auteurs qui ont réalisé exactement à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. Donc quatre belles expositions. On a par exemple Galerie Morgan Bridge qui sera ouverte parce qu'elle a pris une pause, donc elle revient pour nous faire une exposition de Richard Suicide qui vient en lien avec Chronique Centre-Sud. Exactement. Voilà. Et j'imagine que dans certains cas comme Chronique, c'est associé aussi à des lancements de livres ou des choses comme ça, mais le lancement, il y a un lancement qui va se faire exactement à la galerie, mais au festival il y aura plusieurs lancements. On pourra peut-être y revenir tantôt. Oui, mais une parenthèse qui mérite un retour un peu plus tard. Parce qu'on a un lancement quand même très particulier le jeudi soir. Sinon, il y a une exposition à la Ninkasi, puisque cette année encore, on a un partenariat avec le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'an dernier, on avait dessiné dans les vitrines et on avait élaboré certains événements. On poursuit cette année dans la même lignée. Il y aura encore plus de vitrines. Un projet cette année qui est sous la direction de Pierre Girard, donc qui va dessiner sous le thème des monstres dans les vitrines de tout le quartier. C'est dans le respect de son style puis de son univers. Exactement. Et il y aura plusieurs expositions, dont l'exposition Touski, qui regroupe quatre auteurs, donc Bach, Fafard, Steve Bouchard puis Valmo, qui ont créé une exposition spécialement pour le festival. Il y aura également une exposition super-héros par Miguel Bouchard au Foubar. Donc, on essaie vraiment d'animer. Par exemple, aussi, on a la Shop à Bulle, qui est l'atelier de Québec où Michael J.F., Richard Valerand et Paul Bordelot travaillent. Donc, une exposition avec eux également au tiers-temps, le restaurant du complexe Méduse. Donc, on essaie vraiment de se promener et d'aller à différents endroits. Par exemple, l'établi encore cette année. L'an dernier, on avait une exposition sur Québec vu par Guy Delisle. Ben, cette année, c'est la BD Muette qui regroupe une panoplie de jeunes auteurs émergents de la ville de Québec. On en parlait tantôt que les auteurs à Québec, il y a un renouveau. Il y a beaucoup de nouveaux auteurs. Il y a beaucoup de projets. Donc, c'est l'occasion de les découvrir lors d'une exposition. Et Thomas-Louis, on parle d'auteurs émergents, j'ai envie de te faire le pont avec le lancement du jeudi soir dont tu parlais tout à l'heure, qui met de l'avant aussi justement des auteurs qui font leur chemin. Donc, on parle du groupe qui font la bande dessinée Bulle. Donc, Madame Lamonde, Jean-Philippe Bergeron, Guillaume Demers. Et donc, ils lancent leur troisième tome cette année sur le traversier de Québec. Donc, à partir de 5h30 sur le traversier qui fait la liaison entre Québec et Lévis, les gens pourront participer au lancement de leur nouvel album. Donc, c'est une façon très originale de faire un lancement, parce qu'en même temps, c'est un lieu captif. Tu prends le bateau, tu traverses, l'aller-retour prend 40 minutes. Donc, c'est un lancement qui va avoir lieu sur deux allers-retours. Donc, je vous invite à y aller, à faire un aller-retour, du moins, si vous allez au lancement, puis en même temps, avoir la plus belle vue de Québec. Non, c'est des idées originales. En fait, l'idée de... On renouvelle un peu dans les spectacles, mais pourquoi pas faire des lancements qui sont pas ordinaires non plus par le fait même. Effectivement. Mais donc, ça permet de ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens comme la Société des Traversiers embarquent dans ce genre d'initiative-là. Et ça peut amener d'autres idées aussi pour le futur. Parce qu'il faut dire que le traversier fait une très belle salle de lecture. Oui, puis en fait, c'est que donc d'un côté, on a le traversier, de l'autre côté, comme tu disais, ben la rue Saint-Jean, donc avec les monstres de Pierre Girard, donc des lancements... Le musée des Beaux-Arts, musée de la civilisation. On s'étend quand même pas mal au festival. Oui, est-ce que c'est dans une volonté de continuer d'affirmer l'identité du festival en regard du Salon du Livre, donc il y a l'espace salon avec la dédicace et le reste, mais d'occuper aussi l'espace urbain? Mais je pense que c'est important pour le festival, pour continuer à exister et à se développer, de regarder à l'extérieur du Salon du Livre. C'est la 10e année cette année où on est présent au Salon du Livre. C'est quand même un gros morceau de notre programmation. On a près de 100 activités qui sont présentées là. Tous les auteurs, les rencontres de dédicaces et tout se font au Salon du Livre. Cependant, la Ville de Québec nous offre quand même beaucoup d'autres possibilités et on essaie d'en profiter. Donc, les musées, les lieux culturels comme le Cercle et tout, ça vaut la peine de les animer. Et si on peut mettre le 9e art en vedette à Québec pendant la période du Salon du Livre, autant le faire et le faire le plus qu'on peut. Tu mentionnais le Cercle, c'est un lieu qu'on n'a pas exploré jusqu'à présent dans le regard sur la programmation. Il y a deux activités qui sont prévues là aussi, les samedis et dimanches. Ben, il y a deux activités et une exposition. Donc, le samedi, c'est un classique, c'est le brunch illustré avec les gens de Front Froid, donc création d'une bande dessinée en direct. On invite les gens à venir les regarder dessiner sur les écrans panoramiques, mais aussi à collaborer et à participer à eux à la création d'une bande dessinée. Le dimanche, on a une activité avec Christophe Christian Quesnel, donc pour son album Ludwig, donc un brunch musical où on va présenter en projection son album accompagné en musique. Donc ça, c'est pour le cercle. Et l'exposition, ça, ben, oui. je parlais qu'il y avait une exposition, c'est vrai. Fred Jourdain, donc les muses, un complément de l'exposition qu'on avait eu l'an dernier, qui était les femmes de Fred Jourdain. Donc cette année, il revient avec une deuxième exposition qui est les muses. Et en terminant, Thomas-Louis Côté, tu mentionnais les regards sur l'international du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. La Hongrie, la Russie... Pas la Russie, la Hongrie. Dans le fond, le festival cette année, je parlais qu'il y avait une délégation de Lyon BD qui va être présente. Mm-hmm. On a Kid et Bulle qui est présent aussi avec nous, qui est partenaire. Et on a... aussi un partenariat avec un regroupement d'artistes hongrois en bande dessinée qui nous permet de présenter au Musée de la Civilisation à partir du début du mois d'avril une exposition sur la bande dessinée contemporaine en Hongrie. Ça peut paraître très pointu, mais ça reste que la Hongrie a une production en BD qui est quand même assez vieille et qui est une production qui s'est faite de façon assez autonome. Donc, il y a très peu d'auteurs qui ont été publiés sur dans le volet européen francophone de la bande dessinée. Donc, nous, par des contacts qu'on a eu, des rencontres au fil du temps, j'ai rencontré les gens du Festival de la bande dessinée de Budapest et ils m'ont proposé cette exposition-là. Donc, je trouvais assez pertinent de la recevoir pour montrer une nouvelle ouverture sur le monde que pourrait avoir le festival éventuellement. On sort de la francophonie. On sort de la francophonie, effectivement, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se font à l'extérieur de la francophonie et qui sont très intéressantes. On en a certaines bribes, des choses qui ont été traduites, mais en dehors de ça, ça peut être intéressant de développer un volet international en marge du côté francophone du festival. Parce que faut se le dire, le festival de la bande dessinée francophone de Québec a un mandat de faire la promotion de la bande dessinée francophone à la base. On a ajouté à ça la traduction parce que, bien sûr, de plus en plus, les éditeurs ont une ouverture sur le monde dans leur production. Et si on voit, même cette année, au niveau des BD Scozon, on a rajouté un prix de traduction parce qu'on commençait à trouver difficile de faire le choix pour un album francophone en éclipsant les traductions ou en les intégrant de façon trop présente parce qu'il y en a beaucoup. Mmh. Et si on voit des gens comme La Pastèque maintenant qui font de la traduction depuis quand même quelques années, ont une super production et ils vont chercher des auteurs d'un peu partout, pas nécessairement de pays francophones. Nous, ça nous intéresse maintenant de présenter ce qui se fait ailleurs aussi. Donc la Hongrie est comme une première ébauche, mais il y aura d'autres collaborations dans le futur avec des pays non francophones. Et tu mentionnes les BD Scozza. En fait, évidemment, ça s'est remis le vendredi à 17h, donc le 11 avril, à l'Observatoire de la Capitale. Oui. Donc c'est désormais traditionnel aussi. Alors vraiment, en fait, j'ai envie de dire, j'avais conscience de l'ampleur, mais en même temps, quand j'ai vu la liste avec les communiqués, j'imagine quand on verra le journal du festival, comme à l'habitude, qui s'en vient, j'imagine, dans les prochains jours. On s'assoit. Ouais, on reçoit ça. Faut prendre le temps de la regarder. Il y a des choix à faire parce qu'on pourrait pas tout voir. C'est crève-cœur, mais c'est vraiment une ébullition. Je veux dire, vous allez plus loin qu'à l'habitude du côté du festival. Et comme je disais, on a bâti des fondations, si on veut, avec la refonte du festival, avec l'arrivée au Salon du Livre il y a 10 ans, ça nous a permis de créer des bases et de construire des choses et on continue à construire. Et on a de plus en plus de voisins, des gens qui nous aident à construire. On est en train de faire une belle programmation qui va que se bonifier d'année en année. Oui, parce que là, ça fait pratiquement une demi-heure qu'on parle de la programmation et je suis certain qu'on a oublié des éléments. Des projections de films avec Antitube. Oui, mais on regarde comme par exemple la programmation du Salon du Livre de Québec, je vous dis, il y avait 100 activités. Mmh. J'ai juste mentionné ça, on n'a pas donné le détail. Exactement. Donc, on parle d'artistes à l'œuvre, des choses avec les gens du The Comics, de Front Froid qui est encore là et très présent avec nous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va au fbdfq.com pour le détail. On attend journal du festival qui sera disponible un peu partout, dans les autobus notamment. Oui. Alors, je répète donc, fbdfq.com et l'événement, c'est du 9 au 13 avril avec certaines activités qui débordent sur l'avant, sur l'après. Au niveau des expositions, il y en a tout le mois. Il y en a même qui débordent jusqu'à la fin mai. Donc, du 1er avril jusqu'au 31 avril, il y a beaucoup d'activités. Ben, Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci de nous avoir fait une petite tournée guidée autour de cette vaste programmation. Merci. Répétez après moi le plus rapidement possible. Alerte, Arlette, Alette. Arlette, Alette, Alerte, Arlette, Alette. Arlette, Alette. 20 ans, 20 piastres. C'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir une pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 418-694-9656. SNL Québec, c'est exclusif. C'est en direct. Et c'est à Télé-Québec avec Stéphane Rousseau. Avec l'équipe de Comédie Maison, ratez pas ça, c'est SNL. It's gonna be wild and crazy. Version québécoise de Saturday Night Live. SNL Québec avec Stéphane Rousseau. À Télé-Québec. Demain, 21h. CKRL présente Caroline and the Stars Above. I got my mojo working, but it's just au Bal du Lézard, le 5 avril. Well, Caroline and the Stars Above, au bal à 21h, 5$ à l'entrée. And business is good. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous. En vous rappelant que vous pouvez trouver les balado-diffusions de l'émission sur lavieenbd.wordpress.com. Voilà également mon blog personnel www.voir.ca/Raymond-Poirier. Et on a parlé donc longuement du festival de la bande dessinée francophone de Québec. Tel que mentionné en début d'émission, ben, j'avais envie aussi de prendre le temps d'approfondir l'un des spectacles de l'événement. Il s'agit d'un spectacle qui va être présenté le jeudi 10 avril prochain. Ça s'appelle Strip, les héroïnes s'effeuillent. Et c'est une collaboration du festival avec la troupe et le cabaret burlesque Burlestaculaire. Et pour nous parler du spectacle et nous parler du burlesque et nous parler de la troupe, ben, je suis en compagnie de sa directrice artistique, Christina Mossini. Bonjour. Bonjour Raymond. Et peut-être première question, en fait, l'idée du burlesque, bon, probablement qu'il y en a certains à Québec qui vous connaissent déjà, ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez là-dedans, que vous offrez quelques spectacles à l'année avec un gros événement notamment, mais qu'est-ce qui vous avait lancé sur cette piste-là, donc il y a quelques années, pour créer Burlestaculaire? Ben d'abord, moi, c'est une troupe que j'ai créée avec rien du tout, dans l'urgence en 2011, et ça s'est fait très rapidement là. Je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que en moi que je voulais partir ça, parce que bon, le burlesque là, on peut s'y approcher en tant qu'amateur ou en ayant de l'expérience de scène d'une façon ou d'une autre là, mais il y a bien peu d'experts dans le burlesque à proprement parler. Et moi, il y a 3 ans. Ben c'est un amour sincère et réel que j'avais pour évidemment la scène, mais surtout le côté exubérant qu'on retrouve dans le burlesque, le côté de la séduction, de la coquetterie, mais de l'humour toujours et de l'exagération. Donc moi, c'est ça qui m'attirait. J'avais le goût de voir sur scène des spectacles justement qui en mettent trop, de gens trop maquillés avec beaucoup de paillettes, beaucoup de fioritures. Moi, ça m'attirait énormément, ce côté gueuleur et crieur du burlesque. Et puis bon, j'ai créé cette troupe-là en rassemblant des gens que je connaissais autour de moi, des amis, des photographes, graphistes, des personnes qui pouvaient faire des numéros avec des gens à la régie, tout ça. Et j'ai eu immédiatement la confiance de ces gens-là pour lancer ça. Et puis, ben ça a été un succès. succès fou. Dès le début, on s'attendait pas personne à ça. J'étais un peu prise de court. Je savais pas si j'avais dans la tête de faire un spectacle ou de poursuivre avec ça. Et puis, ben, on a fait salle comble dès les premiers spectacles avec un enthousiasme du public à Québec qui était tellement fort et tellement encourageant aussi pour nous. Moi et les gens qui font partie de la troupe aussi, on s'est donné comme devoir et défi de toujours monter la barre d'un spectacle à l'autre. Donc, quand on part de rien, c'est facile de faire mieux la fois d'après, évidemment. Et j'ai l'impression que de plus en plus, justement, la barre se rehausse, les numéros se complexifient en termes d'originalité, j'ai l'impression, dans la mesure où aussi il y a beaucoup de variété à travers ça. Donc, l'idée de pas offrir toujours le même numéro, d'apporter des éléments là-dedans, et aussi dans le casting, entre guillemets, de la troupe, qu'il y ait une variété aussi, que toutes les filles ne soient pas sur le même frame, si on me permet l'anglicisme, mais c'est vraiment la variété qui est à l'honneur. D'abord, dans le burlesque, là, on dit souvent, moi je reçois des courriels des fois, ah, moi je préfère du burlesque, là, je ressemble à ci ou je ressemble à ça, parce que bon, on parle de la pin-up curvy qui est très à la mode pour la communauté rockabilly ou whatever, comme disent les Anglais. Mais pour moi, oui, en effet, j'ai un tableau, une cohorte de filles et de garçons qui font partie de ma troupe qui sont très différents les uns des autres, mais c'est pas fait exprès. Moi, j'engage pas les gens dans ma troupe pour l'allure qu'ils ont, s'ils ont l'air plus différents, des stéréotypes qu'on voit dans les revues de mode ou que justement, peut-être ils y conviennent aussi. Moi, c'est vraiment pas ça qui m'épate ou qui m'impressionne, c'est ce que le charisme, l'attitude, ce qu'ils peuvent dégager sur une scène, le personnage dans lequel ils peuvent nous faire croire. Donc, oui, au final, je suis très fière que ce soit des filles. On dit souvent dans des commentaires que je reçois après nos spectacles, c'est le fun de voir, c'est rafraîchissant de voir des filles un peu « girl next door ». Encore une fois, je me coquine avec la langue anglaise pour exprimer mes dires. Vous m'envoyez désolé, mon cher Raymond. Mais bon, ça rend peut-être la chose plus accessible, justement, que ce soit des filles qui ressemblent à tout le monde, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de silhouettes et tout ça. Puis, je pense que ça aide aussi au fait que la majorité de notre public est composée de femmes aussi, parce que il y a quelque chose de drôlement réconfortant de pas se faire rentrer dans l'œil, dans la rétine des modèles accessible. Si je compare avec un spectacle du Crazy Horse que j'ai vu il y a quelques années, où ce que justement il y avait quelque chose de tellement clinique et glacial dans cette perfection gracieuse de la ballerine cochonne. Et parce que bon, c'était moi, ça correspondait pas à mon rêve et mon idée du burlesque, mais bon, c'est ça. Avec notre troupe, oui, effectivement, il y a une variété dans les corps, mais il y a une variété dans les styles aussi. Quand c'est un spectacle que moi je produis, j'ai toujours une ligne très claire de ce que je veux m'en aller, mais une fois que les rôles sont confiés, une fois que les numéros sont attribués, je sais que, bon, telle fille, elle est bonne dans tel type de personnage, une autre, ben c'est un univers comme ça qui convient mieux. Donc, c'est d'exploiter les forces de chacune, justement, pour les rehausser, qui soient mises en valeur chacune. Et justement, la notion de personnage est importante parce que les filles montent sur scène, ils interprètent un personnage et c'est ce personnage-là qui va influencer la construction du numéro, donc la progression de l'effeuillage, l'ambiance, l'esprit de l'ensemble. Et j'imagine dans un contexte comme ça, quand on plonge dans l'univers des héroïnes BD ou des héros BD qu'on féminise, ben il y a un terreau quand même assez fertile pour l'imaginaire aussi là-dedans. Oui, certainement. Comme tu l'as mentionné plus tôt, nous, ben, on se met souvent en danger dans le sens que on reprend rarement des numéros qu'on a déjà fait. À chaque production qu'on fait annuellement, nous, on fait toujours un spectacle au niveau autour de l'automne à l'Impérial. Et puis c'est à chaque fois un nouveau spectacle avec des nouveaux numéros, des nouveaux personnages, des nouveaux costumes. Donc on repart toujours à neuf. Donc ça nous oblige à faire des pas de géant dans notre technique de performeuse, d'artiste. Et puis, ben le monde de la BD, même si ça va être la première fois qu'on interprète ces personnages-là sur scène, c'est pas étranger pour nous d'aller dans des directions peut-être inattendues. L'automne dernier, on a fait un spectacle sur l'histoire des Québécoises, l'histoire du Québec. Il y avait une poutine. En fait, on avait l'idée de base, moi, c'était de revisiter les femmes québécoises ou les symboles, justement, de l'histoire du Québec. Québec, en partant de la Corriveau à Ginette Renault, en passant par Michel Richard, et puis les cabarets chez Gérard, Alice Roby, etc. Et puis, ben, je me suis dit, pourquoi pas féminiser la poutine, dans le sens qu'elle est quelque chose que tous les Québécois aiment. Elle a un petit côté défendu, elle n'est pas très bonne pour vous, mais c'est souvent ça le soir, très tard, que vous en avez envie. Donc, ça avait un côté boutique-all qui était bien cool aussi de faire. On avait féminisé le référendum aussi, où ce qu'on avait demandé à une effeuilleuse de représenter le vote référendaire, donc à moitié en bleu, à moitié en rouge, avec deux clans, avec à chaque morceau qu'elle enlevait, il y avait le pourcentage sur des projecteurs qui bougeaient du côté des fédéralistes et des souverainistes en temps d'élection. C'est toujours intéressant, cette anecdote. Mais sinon, à part ce spectacle-là, on avait fait, voilà, 2 ans, avec Vitesse Lumière, les héroïnes de série B. Alors, on avait la femme de 50 pieds, Barbarella, Dr. Jekyll and Mrs. Hyde. Donc, c'était des personnages plus farfelus ou psychotroniques et qui, ben, avec BD, même si ce sera des nouveaux numéros, ben, on revient un peu à cet univers-là. Donc, toujours avec, en fait, bout de l'érotisme, un aspect coquin, mais un aspect humoristique qui est très présent aussi dans la mise en scène, dans la proposition que vous faites. Ça, c'est coquin et drôle, si on peut dire. Oui, ben, il y a plusieurs sortes de burlesques. Hein. Les gens peuvent vraiment aller dans la direction qu'ils veulent. C'est sûr que, bon, si c'est moi qui le mets en scène, c'est sûr que j'ai une personnalité comme ça. J'aime beaucoup faire passer des messages et mon discours par le rire, parce qu'on peut s'en permettre plus quand c'est drôle, souvent. C'est pour ça, exemple, que, bon, j'ai pu me permettre de faire une Ginette Renault très tragique qui chantait une version jazz de Ne me quittez pas en parlant cochon à un poulet rôti avec un gâteau et qui finissait qu'une orgie de sacs de chips explosés puis de crème fouettée. Et ça, c'était tout ça sans manquer de respect, bien sûr, mais par le biais de l'humour, ça me permettait cette exagération-là. J'étais très contente que ça fonctionne parce que moi, ça me faisait rire. Puis c'est tout le temps drôle d'excuser. Ben moi, je trouvais ça drôle. Mais bon, oui, donc avec la BD, ben encore plus parce que c'est un univers qui est déjanté, qui est coloré. On est dans le monde du fantasme et du fantastique. Donc, on va rejoindre aussi... je veux pas que ça fasse bizarre parce qu'il y aura plein de choses sexy, mais c'est un peu cette espèce de naïveté qu'il y a à l'enfance aussi. Donc c'est trop coloré, c'est trop exagéré. Donc on va puiser là-dedans pour faire une espèce de friandise visuelle complètement éclatée. On va en faire, en plus qu'il y aura des BDistes qui seront là pour soutenir l'univers créatif de chacune des effeuilleuses dans leur numéro de striptease. Ben il y aura dans un des numéros de Catwoman, où il y aura un orchestre déguisé en chat qui seront là pour faire son accompagnement musical. Donc moi, je trouvais ça bien, en fait, de sortir de notre zone de confort pour explorer différentes avenues puis aller jusqu'au bout de certaines idées qui peuvent avoir l'air saugrenues. Mais oui, donc si on dit ramener les héroïnes à la vie, mais elles seront diablement en vie le 10 avril. Et le burlesque, en fait, l'idée, c'est pas ce qu'on montre, mais c'est comment on le dévoile, c'est le chemin vers le dévoilement, et au bout du compte, la finalité, c'est quand c'est dévoilé, c'est fini. L'idée, c'est de s'y rendre, dans le fond. Oui, ben oui, en littérature, on dit il faut lire les mots que l'auteur n'écrit pas. En musique, on dit il faut entendre les notes que le musicien ne joue pas. Avec le burlesque, c'est il faut voir ce qu'elle n'enlève pas. Oui, c'est certain, parce que bon, dans le burlesque, on ne va pas jusqu'à la nudité totale, évidemment, mais c'est tellement dans la suggestion, dans la façon d'enlever un gant, dans la façon de relever une jupe. C'est beaucoup plus dans l'attitude. Les mouvements deviennent beaucoup plus sexy que, bon, on peut voir une fille nu sein annoncer du jus d'orange aujourd'hui. Donc, on se redécouvre une pudeur, je dirais, avec le burlesque. Et c'est très beau pour des filles comme moi. Bon, moi, je suis née en 87, donc comment je pourrais dire ça? J'ai pas vécu des grandes époques de bouleversement là humaine. Donc, je m'imagine ce que ça aurait pu être, mais on parle souvent de la banalisation du sexe et tout ça, mais bon, le burlesque, ça permet à beaucoup de filles de mon âge, ou plus vieilles, ou plus jeunes aussi, de se redécouvrir une féminité qui est pas toujours encouragée pour nos contemporaines, mais on se la redécouvre, mais d'une bonne façon, je dirais, c'est tout à fait sain. Donc se donner le droit, se donner le plaisir d'explorer cet univers-là, d'explorer l'univers du corps, d'explorer l'imagerie et liée au corps de manière générale, dans le fond. Ben oui, tout à fait. C'est le rapport au corps avec le burlesque, de tous les témoignages que j'ai pu entendre, ça a toujours été positif. Parce que, bon... les gens, on peut pas décider comment les gens vont percevoir votre numéro, parce que bon, si vous avez 500 personnes dans la foule, on peut pas contrôler leurs pensées. Mais moi, ce qui est ma médaille à moi, c'est que je reçois souvent des courriels après nos spectacles de jeunes femmes, de filles, puis ils me disent ah. Je me suis sentie bien après avoir vu votre spectacle. Je me sentais bien avec mon corps, je me sentais plus sexy. Et puis, il y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter de ça, peu importe l'institution où, dans laquelle ils présentent des spectacles, ou bon, même dans la publicité ou des choses comme ça. Donc, de nos jours, je pense que c'est très rare et je pense que c'est très bien. Et si les gens veulent découvrir un peu en amont de ce spectacle, le strip, les héroïnes, ses feuilles, l'univers de Burlestacular, ben c'est burlestacular.com. Il y a des liens vers le groupe Facebook, des liens vers des vidéos aussi. Donc, ça permet de voir un peu les spectacles ou l'esprit des spectacles que vous avez à faire au fil des années. Et en amont, justement, de ce mariage entre l'univers burlesque et le dessin en direct, le dessin de Julien Paré-Sorel, de Valmo, de Jimmy Beaulieu et de Boulet. Alors, un mariage qu'on est bien curieux de découvrir, je dois l'avouer. Les billets qui sont en vente sur la billetterie du Petit Champlain. Et ben, en fait, j'imagine que c'est un univers, un mariage que vous allez découvrir aussi de votre côté, puisque c'est un peu une première expérience pour Burlestacular d'aller chercher justement le volet dessin. Oui, ben en fait, il y a 2 ans, dans un de nos spectacles, Francis Desharnais, que vous connaissez aussi bien que moi, avait fait des croquis live pendant l'un de nos spectacles, mais c'était pas, comment je pourrais dire ça, on l'avait pas exploité aussi bien qu'on pourra le faire, parce que bon, là, on aura des projecteurs pour voir ce que les dessinateurs font. Ils vont vraiment être intégrés, hein, au spectacle, ils seront sur scène aussi. Donc, oui, j'ai hâte, parce que c'est une première, on se lance dans le vide, on a beau se préparer, mais ça permet d'être assez exceptionnel, et surtout que c'est présenté un soir seulement. Hein, Raymond? Donc, les places limitées, faut plonger, comme on dit. Alors, ben voilà, l'invitation est lancée. J'invite les gens à explorer un peu votre univers et à l'explorer avec nous, puisque j'aurai le plaisir d'y assister, mais également de travailler un peu, justement, l'idéation de cet événement. Alors, je le rappelle, c'est jeudi, le 10 avril prochain, au Théâtre Petit Champlain, dans le cadre du Festival de la bande dessinée. Les billets sont déjà en vente. Donc, ben voilà, Christina Mossini, directrice artistique de la troupe Burlesque. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Et nous, on repart avec un petit extrait musical, toujours à saveur 8 bits. Et voilà, donc, je vous rappelle qu'il s'agissait de la formation Doom Cloud, tirée de leur album de Masquerade. Et en terminant, petit sprint pour vous donner les finalistes 2014 des prix BDIS Causa qui ont été dévoilés en cours de semaine dernière. Alors, évidemment, on rappelle, c'est les prix qui visent à reconnaître l'excellence des talents québécois en BD, également des prix qui sont dédiés aux auteurs étrangers. Alors, le premier prix, c'est le prix Réal Filion pour un auteur québécois, scénariste ou dessinateur qui s'est le plus illustré avec son premier album professionnel. Alors, il s'agit, côté nomination, de Fabien Dreuil, Xavier Hardy, Simon Leclerc pour Nevada, tome 1, chez Glénat. On parle également de Julien Paré-Sorel pour son Léthéonie chez Frontfroid. Et enfin, Ami Vaillancourt et Bruno Rouillère pour Kissinger et Nous chez Glénat Québec également. Le prix Ville de Québec pour le meilleur album de langue française publié au Québec, eh bien, les nominés en 5, Ville et Misérable de Samuel Quentin chez Pow Pow. Également chez Pow Pow, les deuxièmes de Zvian. Vous avez Kissinger et Nous qui est nominé également dans cette catégorie, donc d'Ami Vaillancourt et de Bruno Rouillère. Le tome 1 de Promise, le livre des derniers jours... dessiné par Michael chez Glénat, et enfin L'Amérique ou le disparu de Réal Godbout à la pastèque. Pour le prix Albéric Bourgeois du meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur québécois, dessinateur ou scénariste, eh bien, si on parle du Crépuscule des dieux, tome 7, Le grand hiver de Jeff, on parle des Nombris, tome 6, Un été trop mortel de Delaf et Dubuc, et enfin, on parle de La colère de Fantômas, donc le premier tome, Les bois de justice, qui a été dessiné par Julie Rochelot, donc trois albums respectivement chez Soleil, Dupuis et Dargaud. Pour ce qui est du prix Maurice Petit-Didier, donc là, on tombe dans l'édition internationale. Donc, c'est le coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger, mais d'un auteur francophone. Alors, les nominés, c'est Incredible India chez Vent d'Ouest, Georges Bess. Vous avez également, donc, Mauvais genre chez Delcourt de Chloé Cruchaudet. L'entrevue de Manuel Fiard chez Futuropolis. Le décalage de Marc-Antoine Mathieu chez Delcourt. Et Tyler Cross de Fabien Nury et Bruno chez Dargaud. Et enfin, une nouveauté également du côté des prix Bélis Causa. Donc, il y a eu décision d'ajouter un prix pour ce qui est de la meilleure traduction. Donc, évidemment, l'objectif, en fait, de l'équipe du festival, c'était un peu de reconnaître l'abondance, en fait, d'édition qui était proposée donc en traduction, donc de langue étrangère, donc traduit en français. Donc on y va avec trois albums en nomination pour cette première édition de ce nouveau prix. Alors c'est Mon ami Damer chez Ça et Là de Derf Bagderf, c'est Goliath chez l'association, donc livre de Tom Gold, et enfin Jack Joseph Soudeur Sous-marin de Jeff Lemire chez Futuropolis. Alors les prix seront remis le vendredi 11 avril prochain, c'est à l'Observatoire de la Capitale en formule 5 à 7, et c'est remis évidemment dans le cadre du 27e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner d'ores et déjà qu'on aura le plaisir de vous offrir une émission spéciale en direct du festival le vendredi 11 avril également. Donc, on sera entre 5h30 et 7h en direct du hall du Salon international du livre de Québec. Et ben, si jamais vous passez dans le coin, vous prévoyez passer, ben, venez nous faire un signe. Évidemment, on vous le rappellera en cours de la prochaine émission. Alors ben voilà, donc c'est Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Passez une excellente soirée, une excellente fin de semaine sur les ondes du 89.1, et on vous laisse dans les doux bras de Jean-Sébastien Grondin.